Bonjour mes frères et sœurs, et nous sommes en ce lundi. Nous allons continuer ensemble à étudier le chapitre 10 de l'Évangile de Marc. Notre bon Père du ciel, c'est devant toi qu'on se courbe. Quoi de plus naturel pour des adorateurs devant leur Dieu? Des serviteurs devant leur maître. Et on veut que tu nous instruises ce matin, que tu nous parles, que tu nous enseignes, que tu nous redresses, que tu renouvelles notre intelligence, que tu nous donnes une meilleure vision de toi, une meilleure compréhension de ton plan, de ton œuvre ici-bas et pour l'éternité. Notre but, Seigneur, c'est mieux te connaître, afin de mieux te servir et mieux te glorifier. Donc, dans la semaine qui vient, on s'attend à toi, on s'attend à ce que ton esprit puisse appliquer les vérités que nous allons lire dans ta parole. Au nom de Jésus, amen. Nous sommes presque rendus à la fin de notre évangile de Marc. Pas à la fin dans les chapitres, mais à la fin de la vie de Jésus. Quand nous allons entamer le chapitre 10 et 11, nous arrivons à la dernière semaine de la vie de Jésus. Nous allons le voir entrer en ce qu'on appelle l'entrée triomphale, qui nous indique que nous sommes dans la dernière semaine de la vie de Jésus, de ce qu'on appelle la semaine de la Passion. Et nous allons voir Jésus emmener le peuple à le mettre en croix. Parce que c'est son désir, c'est son plan, c'est son œuvre. Il est venu pour cela. Et encore une fois, on va le voir dire à ses disciples, « Je monte à Jérusalem pour mourir. » Au début de ce chapitre 10, nous avons vu, vendredi passé, la question du divorce et de l'adultère pour ceux qui divorcent et qui se remarient. Jésus est sur le chemin de la Judée, et il va continuer sa descente vers Jéricho, et ensuite ça, il va monter à Jérusalem. Ce matin, nous allons regarder un texte qui, avec d'autres dans le Nouveau Testament, qui ont induit beaucoup de gens dans l'erreur en ce qui concerne les enfants ou les petits-enfants. À partir de quelques textes du Nouveau Testament, on est venu dans la société d'aujourd'hui à dire que les enfants, c'est des petits anges, les enfants s'en vont tous au ciel quand ils meurent, les enfants deviennent tous des petits anges quand ils vont au ciel. Mais ce n'est pas une réalité. Mais on s'est trompé dans l'interprétation des textes que la Bible nous enseigne par rapport aux enfants. Comme ce matin, ce que nous allons lire ensemble est un de ces textes-là, et nous allons essayer de le comprendre avec l'intention de Jésus, et non pas avec le désir de nos cœurs. Donc, nous allons lire à partir du chapitre 10, le verset 13 jusqu'à 16. On lui amena des petits-enfants afin qu'il les touche. Mais les disciples reprirent ceux qui les amenaient. Jésus, voyant cela, fut indigné et leur dit, « Laissez venir à moi les petits-enfants et ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. Je vous le dis en vérité, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit-enfant n'y entrera point. » Puis il les prit dans ses bras et les bénit en leur imposant les mains. Donc, si on regarde notre situation, Jésus est en chemin vers Jéricho, ensuite vers Jérusalem, et à un moment donné, on lui emmène des enfants, des petits-enfants. Donc, assez jeunes, pour que Jésus les prenne dans ses bras. Donc, peut-être 2 ans, 3 ans, 4 ans, jeunes, des jeunes enfants. Et le désir de ceux qui les amènent, on présuppose les parents, veulent que Jésus les touche. Pourquoi? Il ne nous est pas dit pourquoi ils ont ce désir-là. Est-ce qu'ils sont malades? Est-ce qu'ils sont infirmes? Est-ce qu'ils ont des problèmes? Mais ils veulent que Jésus les touche. Ou croient-ils que en les touchant, Jésus va leur faire du bien, va les bénir comme il va faire, comme on va voir au verset 16? C'est pas clair l'intention des parents. Mais ce qui arrive au verset 13, c'est que quand les disciples voient les parents emmener les enfants, ils les reprennent. Ce qu'on pourrait dire, les réprimandent. Ils les repoussent. Et Jésus a des choses plus importantes à faire que prendre du temps avec des enfants. Donc, il réprimande ceux qui amènent les enfants. Ce n'est pas la première fois. Et on a vu ça une autre fois avant, où est-ce qu'encore une fois, Jésus réprimande ses disciples à cause des enfants. Jésus, voyant ses disciples agir, il est indigné, il est frustré, il n'est pas content de l'attitude de ses disciples envers les enfants. Et il dit, « Laissez venir à moi les petits-enfants. Ne les empêchez pas. » Pourquoi est-ce que Jésus veut que ses disciples laissent venir à lui les petits-enfants? Il donne la réponse à la fin du verset 14. « Car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. » Qu'est-ce qu'il veut dire? Ça, c'est la « Laissez-les venir à moi, car le royaume de Dieu est pour ceux qui ressemblent à ses petits-enfants. » On sait sûrement que ce n'est pas physiquement. Hein? Il ne dit pas à des gens de 50 ans, 60 ans, « Si vous voulez rentrer dans le royaume des cieux, il va falloir que vous ressemblez physiquement à des enfants. » Il ne faudrait pas penser qu'un peu comme Nicodème qui dit « Est-ce que je dois redevenir un petit enfant? Est-ce que je dois rentrer dans le sein de ma mère encore une fois et recommencer? » Quand Jésus lui a dit, il faudrait qu'il naisse de nouveau. Jésus ne nous demande pas ici de ressembler à des petits enfants, redevenir à l'âge des petits enfants. Donc, ça, tout le monde est clair, ce n'est pas ça qu'il veut dire. Mais beaucoup de gens pensent que Jésus veut dire ressembler moralement aux petits-enfants. Ils sont purs. Ils n'ont pas de péché en eux. Ils n'ont pas de malice en eux. Est-ce que c'est ça qu'il veut dire? Est-ce que les enfants de 2, de 3 ans, de 4 ans, de 5 ans sont moralement aptes à rentrer dans le royaume des cieux? À posséder le royaume des cieux à cause de leur pureté morale? Est-ce que c'est ça que Jésus veut dire? Moi, je dirais que non. Après avoir élevé 6 enfants, je vous dirais que non. Je ne crois pas que Jésus parle ici du point de vue moral de l'enfant. Beaucoup de mouvements religieux pensent là. Que l'enfant est pur jusqu'à un certain âge, jusqu'à l'âge de raison. Mais je ne crois pas que c'est ça que Jésus parle ici. À quoi fait-il référence? Je crois qu'il l'explique ou donne plus de détails au verset 15, il dit, je vous le dis en vérité, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant, n'y entrera point. Donc ici, il dit que les enfants, on doit leur ressembler dans leur façon de recevoir le royaume de Dieu. Quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant, n'y entrera point. Donc, pour entrer dans le royaume des cieux, dans le royaume de Dieu, il faut recevoir le royaume de Dieu comme un petit enfant. Donc, Jésus ne parle pas ici de l'aspect moral de l'enfant, mais de cette attitude des petits-enfants à recevoir le royaume de Dieu. Ils le reçoivent d'une façon très différente des adultes. Et c'est important de découvrir qu'est-ce qu'il veut dire, parce qu'il dit que ceux qui ne recevront pas le royaume de Dieu comme les petits-enfants n'entreront pas dans le royaume de Dieu. Donc, il nous faut découvrir le sens de cette expression-là pour pouvoir imiter les enfants, pour pouvoir entrer dans le royaume de Dieu. Donc, l'auteur ici nous dit, « Laissez venir à moi les petits-enfants, ne les empêchez pas, car ils reçoivent le royaume de Dieu de la façon qui est correcte. Et si on ne reçoit pas le royaume de Dieu comme eux, on n'y entre pas. » Qu'est-ce que Jésus veut dire? Le royaume de Dieu ici fait référence à, je crois dans le texte, à la personne de Jésus. Regardez les enfants ici. Qu'est-ce qui est arrivé avec les enfants? Les enfants se sont laissés conduire par leurs parents vers Jésus. Ils sont faciles à diriger, à conduire vers Jésus, et ils vont librement, joyeusement, vers la personne de Jésus, et ils ne refusent pas, ou pardon, ne rejettent pas la personne de Jésus. Ils le reçoivent, les bras ouverts, si je peux dire ainsi. Donc, ils se sont facilement laissés conduire vers Jésus, et quand Jésus leur tend les bras au verset 16, ils tendent les bras aussi, et Jésus les prend et les met dans ses bras. Il leur impose les mains et les bénit. Ce que le texte veut nous dire, je crois, c'est l'attitude des enfants face à Jésus, qui représente le royaume de Dieu. Les parents les conduisent vers Jésus et ils sont tout simplement, humblement, facilement, on les conduit, ils se laissent conduire vers Jésus. Ils se laissent prendre par Jésus dans ses bras. Ils se laissent bénir par lui. Ils se laissent imposer les mains par lui. Ils se laissent toucher par lui comme les parents voulaient qu'ils le touchent. C'est de ça que je crois que l'auteur parle ici. Il ne parle pas du fait que les enfants sont purs, qu'ils sont moralement parfaits, et c'est pour ça qu'ils vont pouvoir entrer dans le royaume de Dieu. Non, c'est l'attitude de l'enfant en général. L'enfant se laisse conduire. C'est pour ça que nous allons voir, en général, vous savez ça pour vous autres, qui avez été élevés dans les mouvements religieux quelconques, l'enfant, règle générale, va se laisser conduire par ses parents dans le système religieux que les parents pratiquent. Ils sont ouverts. Ils ne sont pas rebelles, de par leur nature, aux choses religieuses. N'est-ce pas? C'est pour ça qu'on va voir les enfants pratiquer la religion de leurs parents jusqu'à l'âge de 12, 13, 14, 15 ans facilement. Mais quand ils arrivent à cet âge-là, l'âge de l'adolescence, 85-90% de ces enfants-là vont finalement rejeter la religion de leurs parents pour n'en pratiquer aucune ou n'en prendre une autre. Mais dans l'enfance, ils se laissent conduire facilement par les parents. Et c'est ce que je crois que Jésus nous dit ici. Il dit, vous devriez avoir une attitude comme les enfants. Laissez-vous conduire. Laissez-vous conduire. Venez à moi comme les enfants viennent, librement, simplement. Venez que je vous prenne dans mes bras. Venez que moi je vous touche. Venez que moi je vous bénisse. Venez que moi je vous impose les mains. Et si vous me venez à moi simplement, librement comme un enfant, pour que je vous bénisse, je vous fasse du bien, vous allez pouvoir entrer dans le royaume de Dieu. Donc ce que Jésus parle ici, c'est l'attitude de l'être humain envers Jésus qui doit ressembler à ceux des enfants. Non pas essayer d'imiter un enfant dans sa moralité, mais dans sa simplicité à aller vers Jésus et se laisser prendre par Jésus, se laisser bénir par Jésus et se laisser imposer les mains par Jésus. En vieillissant, l'être humain va avoir de plus en plus de misère à se laisser conduire vers Dieu, vers Jésus. Et les statistiques, ce n'est pas la Bible. Mais quand on regarde les statistiques, plus les gens vieillissent, moins il y a des gens qui se convertissent. C'est une statistique qu'on a remarquée. Plus les gens vieillissent, plus ils sont durs à conduire à Jésus. Ils ont leur façon de voir, ils ont leur sagesse personnelle, ils ont leur religion. Ils ont leur orgueil, ils savent, eux, comment faire. Ils ont leur tradition, ils ont leur manière. Ils se laissent plus difficilement conduire vers Jésus. Donc, la question qu'on se pose, est-ce que tu te laisses conduire vers Jésus? Est-ce que quand quelqu'un t'a parle de Jésus. Est-ce que tu te laisses conduire simplement vers Jésus? Est-ce que tu ouvres tes bras à Jésus? Est-ce que tu veux que Jésus te bénisse et t'impose les mains afin de pouvoir te faire entrer dans le royaume de Dieu? Pour ceux d'entre nous qui sommes déjà dans le royaume de Dieu, c'est parce que nous avons tendu les bras à Jésus et qu'il nous a touchés, qu'il nous a fait du bien et qu'il nous a sauvés, régénéré, il nous a fait entrer dans le royaume de Dieu. Notre bon Père du ciel, merci. Merci que tu nous permets de s'approcher de toi comme un enfant, simplement afin que tu nous touches, afin que tu nous bénisses, afin que tu nous imposes les mains et que tu nous transformes, que tu nous régénères, que tu nous pardonnes, que tu nous amène avec toi dans le royaume de Dieu. Nous te bénissons, nous te glorifions, nous t'adorons pour cela. Amen.